le patron. Ça fait une semaine sans le ballon. Ça vraiment joue le championnat. Et si on se maintient, c'est déjà ça. Le match aller était chez eux. Et cette fois-ci, il faut faire mieux. Thierry Henry vient de se passer. J'en entends encore le bruit des filets.